Tels sont les versets d'Allah. Nous, Mohammed, te les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point léser les mondes.